Ma curiosité est aussi grande que mon envie de voyager. On m'a dit que pour en apprendre, eh bien il fallait se bouger. Alors j'ai voulu sortir mon ignorance de l'ombre. Près mon sac à dos, j'ai assez de ressources pour découvrir le monde. Dans un premier temps, j'ai planté ma tente en France. Mais ici l'arrogance pousse l'humilité à la souffrance. J'ai vu l'hypocrisie violer la naïveté. Et devant le juge, les témoins ont tous fait preuve de lâcheté. Alors je me suis laissé emporter par le vent pour atterrir dans un climat différent avec la peur au ventre. Sur le territoire de la puissance mondiale que j'ai traversé, avec sur le corps un gilet pare-balles. La diversité de leur culture est grande, mais le pouvoir est un grand charmeur. Voilà pourquoi j'en tremble. Mes pensées utopiques et moi mais m'ont déserté, à la recherche d'un coin avec plus de gaieté. Je voulais découvrir le monde, ne pas me fier à son schéma. Je voulais découvrir le monde. Finalement je suis resté chez moi. J'ai ouvert les yeux dans un climat chaleureux. Je sens encore les brûlures sur mes ailes, mais je n'en suis pas malheureux. J'ai posé les pieds sur une terre, là où la poussière n'a pas rendu aveugle les gens pour une histoire de critères. Ici le respect, une couronne sur la tête. L'hospitalité court tellement qu'elle en a usé ses baskets. L'humilité a fait de des hommes braves. Pour les avoir côtoyés, je peux vous dire que ce sont des hommes rares. Moi qui suis réputé pour avoir une grande gueule, j'ai appris que la dictature pouvait laisser crever le peuple. Que la liberté d'expression n'est pas la même partout. D'où je viens pour un moindre mécontentement, on casse tout. Pourtant il m'en faut beaucoup pour m'effrayer. J'ai paniqué, pris mon sac et mis les gaz sans freiner. Je me suis envolé, les yeux baissés. J'ai versé des larmes comme un gosse le cœur blessé. Je voulais découvrir le monde, ne pas me fier à son schéma. Je voulais découvrir le monde. Finalement je suis resté chez moi. Mon voyage fut long, dur. J'ai vu que dans ce monde on ne marche pas tous avec les bonnes pointures. Et je me suis rendu compte finalement que j'ai vu des choses que je connaissais, que je n'encaissais pas moralement. Je voulais découvrir le monde et non m'apercevoir qu'on vivait sur une bombe. Et si tout ça n'est qu'un cauchemar, je suis content de rester un gosse qui court après ses rêves tard le soir. Je voulais découvrir le monde. Je voulais voyager, ne pas me fier à son schéma. Je voulais découvrir le monde. Je voulais voyager, je voulais m'évader. Finalement je suis resté chez moi.